La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La compagnie entame aujourd'hui une série d'émissions consacrées à l'auteur de Tropisme, d'Enfance ou encore de L'ère du soupçon, Nathalie Sarraute. C'est bien d'une pionnière dont il va être question cette semaine, une femme qui était assez libre pour écrire d'une façon si étonnante qu'elle intimidait jusqu'aux plus grands éditeurs d'une ville qui se voulait pourtant capitale littéraire du monde, lesquels furent nombreux à refuser ses manuscrits. Étonnante cette littérature, et pourtant évidente d'une certaine manière, cette façon de s'intéresser à ce qui se passe au-delà des mots dans une conversation a priori banale, ce sous-texte, cette sous-conversation que tout un chacun ressent au moment où elle se produit, mais qui n'avait jamais été mise en mots de cette manière. Nous en parlons aujourd'hui dans une émission introductive qui sera aussi biographique avec le professeur et critique Jean-Yves Tadié. Demain, Pascal Fautrier sera dans ce studio pour évoquer la littérature de Sarraute sous l'angle psychanalytique. Mercredi, c'est de son écriture théâtrale dont il sera question, une écriture dont elle ne se croyait d'abord pas réellement capable, avant de découvrir à quel point la scène était au contraire adaptée à son écriture, et notamment en ce qu'elle permet de montrer les silences et de les faire entendre. Jacques Lassalle, qui a mis en scène plusieurs de ses pièces, nous en parlera. Enfin jeudi, deux femmes se succéderont dans ce studio, Rolande Kos et Michel Gazier. Elles avaient l'habitude d'aller voir Nathalie Sarraute chez elle pour bavarder et elles nous raconteront ces après-midi de conversation. Bienvenue à tous dans une compagnie des auteurs qui se met tout de suite en route à la recherche des sources du nouveau roman. Je considère que j'ai beaucoup contribué tout de même à la formation de ce nouveau roman. Ah, vous êtes la première en date, en tout cas. Je suis la première en date. J'ai tout de même écrit L'ère du soupçon en 50. Cette contestation des formes traditionnelles du roman, des personnages, de l'intrigue, c'était entièrement exprimé dans un article qui est apparu en 1950 dans Les Temps modernes. Alors je considère qu'il y a là une contribution à un certain renouvellement des formes du roman. Maintenant, évidemment, ce que je fais et ce que font les autres membres de ce groupe, parce qu'on a collé une étiquette à tout un groupe, tout à fait différent. Bonjour Jean-Yves Tadié. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors on vient de l'entendre, Nathalie Sarraute se savait l'écrivaine d'une rupture dans l'histoire littéraire. Et pour faire référence à Proust, dans Le Côté de Guermantes, on pourrait parler d'elle comme d'un nouvel écrivain qui, en quelques phrases, renouvelle notre vision du monde. Certainement, mais comme vous l'avez noté tout à l'heure, on a eu mis du temps à s'en apercevoir, puisque son premier livre, Tropisme, outre qu'il a été refusé par des éditeurs prestigieux, passe complètement inaperçu lorsqu'il paraît avant la guerre. Et ensuite, c'est le cas aussi, juste après la guerre, de sa deuxième fiction, Portrait d'un inconnu, paraît, je crois, en 47, chez Robert Marin, parce que Gallimard l'avait refusé également, avec une préface de Sartre. Et malgré cela, le livre chez Robert Marin se vend à quelques 400 exemplaires. Comment vous expliquez que Gallimard n'ait pas accepté ce livre-là, avec la préface ? C'est vraiment une question de lecteur, mais je comprends d'autant moins que celui qui l'avait lu était l'homme qui s'y piquait le plus d'être ouvert aux avant-gardes et qui était le plus proche des recherches sur le langage, qu'il pratiquait lui-même constamment, et de la poésie, c'est-à-dire Jean Paulhan. Nathalie Sarraute m'a d'ailleurs raconté beaucoup plus tard qu'un beau jour, elle croise Paulhan dans les couloirs de chez Gallimard et Paulhan se penche vers elle et lui dit « Vous ne m'aimez pas ». Et Nathalie lui répond, et vous m'aimez, vous ? Ambiance chez Gallimard. Oui, c'est assez inexplicable, en effet. En tout cas, on peut dire que Nathalie Sarraute a exploré une terra incognita à cette époque-là. Oui, dès le début, on constate que ces textes de tropisme, auxquels on se réfère souvent parce qu'on trouve dans tropisme la suite, par une sorte d'illusion aussi, qu'on pratique aussi chez beaucoup d'écrivains. C'est un jeu que de retrouver dans le premier livre d'un auteur tout ce qui elle va se révéler ensuite, beaucoup plus important, beaucoup plus symphonique par rapport à la musique de chambre. Mais on y trouve dès le début la perte d'existence des personnages au profit des mots. La recherche sur les mots et le fait que les textes qui font parler sont aussi des poèmes en prose. Ces deux aspects de recherche sur le langage et de poésie en prose vont caractériser toute l'œuvre de Nathalie Sarraute jusqu'à la fin. Nathalie Sarraute qui est donc une exploratrice et qui dit avoir été appelée, happée par son exploration, comme si elle n'avait pas eu d'autre choix que d'explorer ces nouvelles formes totalement inconnues, ces nouvelles formes littéraires. Il faut noter d'ailleurs que cela vient assez tardivement par rapport à d'innombrables autres écrivains, qu'ils soient grands ou nuls. Elle commence extraordinairement tard, même si elle nous a raconté qu'enfant, elle avait composé un roman d'aventure. Il reste que ses études de droit, son début de carrière d'avocate, font que ce n'est qu'à à peine moins de 40 ans qu'il commence à écrire de la littérature, ce qui est extraordinairement tard. Et en plus, c'est les livres qui commenceront à la faire connaître, elle les publie à plus de 50 ans. Bah, Umberto Eco, dont on parlera la semaine prochaine dans cette émission, a commencé à écrire à 50 ans Le nom oui, de la rose. Il y a en effet quelques cas comme ça, tout à fait extraordinaires. Vous avez intitulé votre introduction au volume de la Pléiade, qui date de 1996 et qui est consacré à Nathalie Sarraute, vous l'avez intitulé « La musicienne de nos silences ». Et on a l'impression que ce titre résume finalement tout ce qu'il y a de la littérature de Nathalie Sarraute. C'est comme un condensé de son projet. C'est ce que j'ai souhaité, parce qu'elle perçoit ce qu'il y a dans tous nos silences, dans les silences de la parole humaine, entre deux paroles, entre deux phrases, ce qui est souvent marqué par ces points de suspension qu'elle multiplie partout et où se passent beaucoup de choses entre les mots. Et la musique, c'est toute l'attention donnée au chant verbal. Ce sont des poèmes en prose. Quand on regarde Tropisme maintenant, on est frappé par leur parenté avec, par exemple, le Spleen de Paris de Baudelaire. Jean Stadier, le lundi, dans la compagnie des auteurs, on fait toujours un petit peu de biographie puisqu'on s'apprête à partir pendant 4 jours avec un écrivain. Et Nathalie Sarraute, c'est une femme qui est née avec le siècle, le 18 juillet 1900. Il faut dire, pour commencer, qu'elle n'est pas née en France, mais qu'elle est née à Ivanovo, dans une famille russe. Effectivement, elle était russe d'origine, et son nom de jeune fille est Tcherniak. Son père était un très brillant ingénieur chimiste qui, à cause de ses découvertes, avait obtenu l'autorisation de vivre dans une ville interdite aux Juifs, qui était Ivanovo. On découvre du même coup que dans cette Russie, que certains regrettent, il y avait des villes où les Juifs n'avaient pas le droit de séjourner, qui n'étaient même pas Moscou ou Saint-Pétersbourg. Donc, c'est il fabriquait des couleurs, son père. Pardon ? Il fabriquait des couleurs. Oui, absolument. Et son père était un homme très brillant. Il se sépare très vite de sa mère. D'ailleurs, Nathalie a 2 ans quand le ménage se sépare. C'est une chose très importante parce que, comme on verra dans l'enfance, elle sera ballottée pendant toute son enfance et toute sa jeunesse entre d'un côté son père et sa belle-mère et de l'autre sa mère et son beau-père. Et en même temps, elle aura des relations très difficiles avec sa mère. Alors justement, écoutons Nathalie Sarraute nous parler à la fois de la Russie et puis de ce va-et-vient dont vous parlez. Je me souviens de beaucoup de choses, par exemple de la Russie. C'était à Saint-Pétersbourg à ce moment-là, c'était encore même pas Petrograd. De paysages, de rues, de maisons, de gens. Je vois toujours ces sortes de stalactites de glace qui pendent des toits. les doubles croisées avec de la ouate blanche et des petits morceaux, des petites branches de sapin entre les deux croisées, et puis des sortes de grandes pièces avec d'immenses fenêtres. Et vous ne voyez pas la Russie en été ? Je vois seulement en été chez mon oncle dans une propriété avec un grand jardin où il y avait plein de fleurs et où on traversait à gué avec des chevaux un grand fleuve. Je ne sais pas, je crois que c'était le Dniepr, mais je ne suis pas très sûre. Alors là, je me souviens très bien comment l'eau venait jusqu'au poitrail des chevaux et on traversait comme ça pour aller de l'autre côté de la ville où il y avait des magasins où on nous achetait des chaussures, toutes sortes de choses. Et puis il y avait une foire là, avec des pains d'épices. Mais c'est les seuls souvenirs d'été que j'ai gardés de la Russie. Autrement, tous les autres sont des souvenirs de traîneaux et de neige, très doux et très gais. Et c'est, surtout, je me souviens merveilleusement des odeurs. Il y avait une odeur spéciale dans les appartements, dans les chambres. Une espèce d'odeur que j'ai retrouvée quand je suis retournée à Moscou il y a quelques années. Et puis l'odeur merveilleuse de la neige quand on sort dans la rue, et qu'on retrouve d'ailleurs à la montagne. À ce moment-là, j'avais l'impression que ça pourrait durer toujours. Et là où j'ai eu une impression de terrible bouleversement et de catastrophe, c'est quand j'ai quitté ma mère et que je suis venue ici. Et il y a une très brusque rupture entre mes souvenirs d'enfance qui viennent de la Russie, qui sont beaucoup plus poétiques et plus heureux, et ceux de mon enfance après 8 ans ici. Ça vient certainement du fait que j'ai été très brutalement séparée, non seulement du pays où j'étais née, mais de ma mère. Et c'est seulement quand je suis venue ici rejoindre mon père qui s'était remarié que tout a durci et que les souvenirs d'enfance ont devenu des souvenirs d'adultes, bien qu'à ce moment-là, je n'ai eu que 8 ans. Un entretien avec José Pivin de février 1960. Et on entend bien ce que vous disiez à l'instant, Jean-Yves Tadier, ce sentiment d'abandon qu'elle ressent quand sa mère repart pour la Russie et la laisse en France avec son père. Elle arrive donc dans le 14e arrondissement, je crois, rue Flatters, sauf erreur. C'est ça. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'il y a peu de temps, la ville de Paris a inauguré une esplanade Nathalie Sarraute au nord du 18e. Où elle n'est jamais sans doute passée. Donc, dans cet arrondissement, elle va à l'école publique, à l'école communale, et elle fait évidemment de très bonnes études. C'est une élève extraordinairement consciencieuse, névrotiquement consciencieuse, d'ailleurs, comme le montrent certains épisodes d'enfance. Et elle est excessivement douée, mais elle n'est pas heureuse, elle a très peu d'amis, sa mère n'est pas là. Et quand elle entreverra sa mère, sa mère est une femme qui est un écrivain d'ailleurs, qui a écrit beaucoup de romans. Qui n'écrit pas du tout la même chose que ce qu'elle fera. Ce sont des romans d'aventure, des romans de cap et d'épée, rien à voir avec ce qu'elle fera elle-même. Et c'était une personnalité flamboyante et qui, au fond, s'intéresse assez, très narcissique et qui s'intéressera, semble-t-il, très peu à sa petite fille. Alors que sa petite fille l'admire énormément. Oui, absolument. D'une certaine façon, c'est tout de même un modèle. Mais c'est avec son père qu'elle a les liens les plus étroits. Donc finalement, ils vont assez peu se voir, la mère et la fille. Oui, deux ou trois fois, ouais. Elle revient voir Nathalie Sarraute et là, l'admiration reprend, mais c'est toujours très court. Oui, absolument, ce ne sera jamais une relation fusionnelle, ni même véritablement d'amour filial ou d'amour maternel. Et ça lui manquera certainement beaucoup dans la constitution de sa personnalité et ça manquera à son équilibre. Donc une petite fille, puis une jeune fille qui aime particulièrement étudier. Elle obtient son bac à Montpellier en 1918. Et là, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va avoir un cursus même assez extraordinaire, Jean-Yves Tadier. Oui, alors elle a, à la suite d'un séjour en Angleterre en été dans une famille, elle conçoit pour la Grande-Bretagne une passion qui ne se démentira jamais, une Angleterre mythique, une Angleterre littéraire, une Angleterre de rêve, faite de clichés certainement, mais de ces clichés bienfaisants comme celui de la bonne tasse de thé, par exemple, et puis toute la littérature. Donc, revenue de cet été, elle n'a de cesse que son père ne l'envoie faire des études à Oxford. et elle est envoyée à un collège d'Oxford où elle connaît encore une année de grand bonheur, où elle étudie l'histoire, mais son père met fin, sans doute pour des raisons d'argent, à ses études à Oxford, et c'est un nouveau déchirement dans sa vie. Elle doit rentrer en France, et elle se souviendra toujours de cette année comme une sorte de paradis dans sa biographie. Elle, à ce moment-là, elle va s'inscrire en droit, à la faculté de droit, ce qui aura aussi une grande influence sur son destin. Puisqu'elle sera avocate. Elle sera avocate, pas d'ailleurs, je crois, une avocate passionnée ni extrêmement brillante, mais c'est surtout là qu'elle rencontre Raymond Sarraute, qui sera le compagnon de toute sa vie. Et elle se marie quand elle a 25 ans, et en 1925. C'est Raymond qui l'aide à passer ses examens de droit, qui lui explique les choses, et comme c'est lui plus tard qui la soutiendra au moment du refus dramatique de tous les éditeurs de Paris. Donc il y a Oxford, mais on pourrait aussi parler de Berlin, puisqu'elle va aller étudier à Berlin, oui, elle va Berlin, étudier la chimie aussi. Absolument, mais Berlin ne vient jamais à un mythe. Il n'y a pas chez elle le mythe de l'Allemagne, il y a un mythe personnel, pas absolument dans son œuvre, bien qu'il y ait des allusions à l'Angleterre dans ses proses, mais personnellement, elle restera toujours attachée à un mythe anglais, jamais à un mythe allemand. En tout cas, ce qui la soutient dans ses jeunes années un peu difficiles à Paris, c'est, dit-elle, la certitude de son intelligence. Oui, certainement. Nathalie avait une intelligence extraordinaire, bien sûr, très au-dessus du commun et qui se voit partout. Qui se voyait quand on l'écoutait, quand on la regardait même, et qui se voit dans la moindre ligne qu'elle a écrite. Et dont elle avait conscience. Oui, elle avait certainement conscience de... Heureusement d'ailleurs, imaginons qu'elle n'ait pas eu conscience de ses mérites, nous aurions perdu un écrivain. En 1923, signalons tout de même qu'elle fait l'ascension du Mont-Blanc, ce qui n'est quand même pas tellement banal à l'époque. C'est d'ailleurs cette année-là qu'elle va découvrir Proust en lisant « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », Proust qui est aussi un de vos auteurs préférés. Oui, dans ces années 24-26, elle fait des découvertes qui la marquent beaucoup. Elle connaissait déjà Virginia Woolf, mais elle est très marquée par La Charge d'un perdu, par la lecture du Ulysse de Joyce également. Donc Woolf, Joyce et Proust, ça fait tout de même déjà de quoi construire une culture et même une œuvre, mais il faut y ajouter bien sûr Dostoïevski, car elle lit le russe. Construire une culture et puis surtout travailler, parce que pour Nathalie Sarraute, ne pas travailler n'est même pas une option envisageable. En ce milieu où était ma mère écrivait, il n'était pas question qu'elle ne travaille pas, déjà à l'époque. Elle avait des amis, eux, qui étaient médecins. Travaillait. Autour de moi, dans les milieux d'immigrés russes, la plupart des femmes étaient égales à leur mari, pour le moins, intellectuellement, et soit avaient travaillé, soit... Enfin, il n'était pas question qu'une fille ne travaille pas. Ça paraissait déjà assez anormal. Dans ce milieu, ça veut dire qu'elle était idiote ou malade. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est la question qu'on posait, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Et alors, le fait que le barreau m'ennuyait était une terrible souffrance pour moi. Parce que je me disais, j'ai raté mon travail. Alors j'étais prise entre deux feux parce que je n'aimais pas le droit financier, commercial, civil. Et je n'aimais pas non plus les plaidoiries d'assises ou en correctionnel qui me paraissaient d'un niveau assez bas et s'adressaient à des émotions, avec des arguments qui me paraissaient grossiers. C'est une forme d'éloquence que je n'aimais pas. Alors j'étais prise là entre deux feux et la maternité ne pouvait pas, à mes yeux, compenser l'absence de véritable vocation professionnelle. La maternité, pour moi, était un peu comme ce qu'elle est pour un homme. Il est ravi d'avoir des enfants, il est très content, il se réalise d'une certaine façon, mais après. Et le reste ? Donc le travail, Jean-Yves Tadier, l'épanouissement pour soi, la volonté de créer pour soi, pas seulement de vivre à travers les autres et pour les autres, tout cela caractérise aussi Nathalie Sarraute. Oui, absolument. C'est d'abord un écrivain. Nous n'en parlerions même pas si elle n'était pas et un immense écrivain. Donc la révélation à elle-même de sa vocation vient au moment où elle commence à écrire des proses courtes qui ne ressemblent à rien de ce qui se fait habituellement et qui lui échappent. Enfin, elle n'est même pas encore tout à fait consciente de ce qu'elle va faire, alors qu'après, elle développera une conscience considérable de tout ce qu'elle fait. Et ce sera tropisme. Et alors, c'est d'une extraordinaire densité et d'une extraordinaire brièveté. C'est un très petit livre, tropisme. D'innombrables écrivains commencent par des gros livres, par les livres de 250 pages, là ça tient en 80 pages, et à partir de là, il y faudra encore de nombreuses années pour créer un deuxième ouvrage. C'est-à-dire qu'il faudra pratiquement toute la guerre. C'est ça. C'est-à-dire, il s'agit de là de Portrait d'un inconnu, qui est un très beau livre du reste. Et la guerre d'ailleurs, il faut peut-être en dire un mot, car Nathalie Sarraute est juive. Oui, alors, en 40 sont édictés les premiers décrets, les premières mesures ignobles du gouvernement de Vichy. Et lorsqu'on crée l'Étoile jaune, le père de Nathalie et Nathalie elle-même, qui sont des citoyens français disciplinés, n'envisage même pas un instant de ne pas aller la chercher, cette étoile. Évidemment, il ne fallait pas aller la chercher. Et donc, ils y sont allés. Et ce qui entraîne que Nathalie, dont les parents maternels, dont les parents sont juifs, dont le père est juif, pas la mère, mais on a honte d'entrer dans ce genre de distinction qui me répugne, n'est-ce pas? Donc, ce qui importe, c'est qu'elle risque à tout instant, ensuite, d'être arrêtée et envoyée dans un camp. Donc, elle ne va pas porter cette étoile. Elle se réfugie dans le centre de la France et elle a raconté elle-même qu'elle a eu tort de trop parler et que devant le boulanger du village, lequel boulanger est sur le point d'aller la dénoncer. Et comme lui-même s'en est probablement vanté, elle a le temps de s'enfuir. Hélas, arrive une solution très tragique, c'est-à-dire les filles vont être d'un côté, la mère de l'autre, le père va conseiller à sa femme de divorcer, officiellement, pour assurer la sécurité de tout le monde. Ce qu'ils vont faire, d'ailleurs. Et donc, il est à Paris, où il va être mêlé au mouvement de résistance. Elle-même va se cacher dans le sud-ouest. Donc, c'est cette existence tragique que vont mener femmes ou enfants que l'on étiquette comme juifs sous le régime de Vichy. Oui, alors, tragique. On pourrait croire que ce serait là la matière roman, que ce serait là la matière à histoire, que ce serait même là une matière simplement à récit, à raconter cela. Or, elle prend cette période, pourtant très difficile, comme quelque chose finalement où, au fond, ce qui compte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a eu de la chance. Et elle en parle finalement très peu de cette période de la guerre. Mais tous les gens qui ont vécu cette période, et dont j'ai été moi-même, n'aiment d'abord pas beaucoup en parler et ensuite considèrent en effet d'abord qu'ils ont eu de la chance par un phénomène tout à fait extraordinaire. C'est un trait que vous rencontrerez assez souvent. En plus, elle écrit à une profondeur où même ces événements capitaux ne comptent plus. C'est-à-dire que de même qu'elle ne parlera pas de la guerre de 39-40, de même qu'elle ne parlera pas du rideau de fer ou de sa chute, de même encore, elle n'écrira pas, je veux dire, quand je vais parler, je veux dire écrire, elle n'écrira rien de tout ça, sauf un très très beau texte d'enfance sur son père et les Juifs, dans une conversation dans leur appartement de la rue Flatter. C'est un très beau chapitre qu'il vaut la peine de relire. Alors on peut parler justement d'enfance, Jean-Yves Tadié, puisqu'au fond, la biographie de Nathalie Sarraute, ce n'est pas comme si elle était terminée, mais disons qu'après la guerre, sa vie, elle se confond avec son œuvre. Je pense que vous serez d'accord pour le dire aussi. Donc enfance, qu'est-ce que c'est, selon vous? Ça n'est pas tout à fait un roman, ça n'est pas non plus un livre de souvenirs. Disons d'abord, la vie des grands écrivains est rarement intéressante, puisque, étant donné le nombre d'heures considérables qu'ils passent à écrire, il leur reste plus peu de temps pour prendre d'assaut une fortification indienne ou faire le tour du monde. Malraux aussi, il avait le temps pour faire tout Malraux, ça. Malraux, c'est un problème tout à fait à part. C'est un cas tout à fait exceptionnel, bien sûr. Mais sinon, disons que Henry James ou Marcel Proust ou Nathalie Sarraute sont des auteurs dont la vie est, somme toute, peu intéressante à raconter parce qu'il n'y a pas d'événement flamboyant. Tout peut être intéressant si je le raconte bien, mais c'est pas passionnant. Elle avait trois enfants, donc il fallait quand même s'occuper aussi. C'est les séances dans les cafés de Paris où elle s'installe à une petite table coupée de tout son milieu personnel, familial, etc., pour se débattre avec les mots. Et ce sera effectivement de livre en livre qui vont s'accumuler tout de même en assez grand nombre jusqu'à presque à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier livre, elle le publie à 97 ans. C'est c'est encore un record presque absolu. Et bien donc, c'est ça qui compte vraiment. Sa vie est dans ses livres, et en même temps, ses livres ne racontent pas sa vie, puisqu'ils viennent d'une source plus profonde que tous les événements de la vie. Alors, elle dit, à propos d'enfance, hein, 1983, la date de publication, « Je suis incapable de faire mon autobiographie ». Elle l'a dit en 79 dans un entretien avec Anne Daubenton. Mais pourtant, on n'est pas loin, Jean-Yves Tadié, de l'autobiographie. C'est-à-dire qu'elle révolutionne le genre de l'autobiographie, ou même de ce qu'on appelle, il y a quelques années, l'autofiction, de la même manière qu'elle a révolutionné le roman. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une autobiographie classique, c'est même, par instant, très proche de certaines fictions de Nathalie Sarraute, dans l'attention portée aux phrases. L'existence de Nathalie Sarraute était marquée par les phrases qu'elle avait entendues, ou bien les sortes de pulsions névrotiques qui la poussait à dire certains mots. Par exemple, le chapitre très drôle où elle a très envie de dire à sa mère « Maman a la peau d'un singe », elle ne peut pas s'en empêcher et elle reçoit une paire de claques. C'est devenu un événement capital de sa vie, mais ce sont des mots tels qu'ils auraient pu figurer dans « Ici » ou dans tel autre récit bien postérieur. Donc c'est passionnant à lire du point de vue même de l'histoire de l'autobiographie. Donc c'est une autobiographie de la parole, une autobiographie de l'usage qu'on fait des mots. C'est fait de souvenirs de mots qui jaillissent les uns après les autres et qui s'assemblent un peu comme un puzzle jusqu'à composer finalement le récit de la vie d'une petite fille jusqu'à l'âge de 12 ans, au moment où on la laisse aller seule dans le tramway au lycée. Là s'interrompt ce récit de vie. Mais c'est un très beau livre, enfin. Et d'ailleurs, vous dites qu'on pourrait utiliser le titre « L'usage de la parole », qui est l'un des titres des livres de Nathalie Sarraute, pour caractériser l'ensemble de son œuvre. Peu à peu, au début, on sent bien qu'elle se débat encore avec le concept de personnage. Il y a encore des personnages, Marthereau, c'est le nom d'un personnage, Portrait d'un inconnu aussi, mais peu à peu, elle pourtant, ce ne sont pas les premiers livres. Voilà, et il n'y a plus que le langage. Elle comprend ce qu'elle fait véritablement, et dont elle pensait que ça n'avait jamais été fait, c'est qu'elle allait créer un roman du langage, un roman des mots, un roman de ces mots qui naissent, et qui nous hante. D'ailleurs, des mots très simples, d'ailleurs. Il lui suffit, dans ses pièces de théâtre aussi, de repérer même un tic. Par exemple, la pièce Isma raconte simplement le tic agaçant pour les autres de ce personnage qui rajoute « à tout ce qu'il dira. Au lieu de dire « Isme », il va dire « Isma », par exemple. Et ça suffit à créer une pièce, la simple réflexion sur ce tic. Alors, l'usage de la parole, le titre de cet ouvrage que j'évoquais, hein, 1980, c'est un ouvrage qui est composé de petites nouvelles et chaque nouvelle commente une phrase. Voilà, la première est saisissante puisqu'elle s'appelle « Ich sterbe », qui veut dire « je meurs » en allemand. Elle prête à Tchekhov mourant cette phrase « je meurs ». Il paraît d'ailleurs que Tchekhov ne l'a pas dite. Mais peu importe, c'est une admirable méditation à la fois sur l'œuvre d'un écrivain qu'elle adorait, que nous aimons tous, qui était Tchekhov, et sur sa mort, et sur la mort. Donc, sujet qu'elle avait d'ailleurs abordé aussi dans Entre la vie et la mort. Donc la parole, on le comprend, c'est l'objet de ses recherches. Et Sartre va employer dans sa préface de 1947 à Portrait d'un inconnu ce terme de sous-conversation. Est-ce que c'est Sartre d'abord qui trouve d'abord ce terme de sous-conversation ? Je ne suis pas sûr, parce qu'elle appelle, elle appelle elle-même un article conversation et sous-conversation. Qui est antérieur à la préface. Et vous savez que dans la préface de Sartre, en fait, il y a deux parties pour être tout à fait cuistre. Première partie qui est vraiment de Sartre. Et deuxième partie, soufflée par Nathalie. Sartre sait plus très bien quoi dire. Il vient lui dire aidez-moi. Et elle lui fait la deuxième partie de la préface. Et c'est là qu'il y a sous-conversation. Je pense que c'est un mot simple qu'elle lui passe à ce moment-là comme une sorte d'antisèche. Et cette sous-conversation, alors comment la définir? Et c'est effectivement les mots apparents ne sont rien. Ce qui compte, comme Proust l'avait déjà illustré, ou d'ailleurs James, c'est ce qu'il y a sous les mots, ou entre les mots. Et alors, la critique littéraire, le travail sur ce que sont les mots, elle va aller encore plus loin avec ce livre qui s'appelle « Les fruits d'or », qui est au fond un livre sur le roman, un roman du roman, Jean-Yves Tadié. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre ? Oui, alors c'est le moment de dire que Nathalie Sarraute est un grand auteur comique. Les fruits d'or sont un livre extrêmement drôle qui montre, comme dans les milieux parisiens, la naissance, l'ascension, l'apogée et la chute d'un livre, d'un roman qui s'appelle « Les fruits d'or », dont on ne saura jamais le contenu, que les gens ne connaissent pas d'abord, puis c'est le bouche à l'oreille, on le porte au nu. On connaît le nom de l'auteur, il s'appelle Breillet. Et, le livre est finalement sombre dans l'oubli à la fin, comme tant de livres qui connaissent aussi cette parabole. Et c'est une satire à la fois des milieux littéraires, une satire du roman à succès, et en même temps une réflexion sur les mots qu'on emploie pour parler du roman. Et puis c'est peut-être pour rappeler aussi que personne n'avait voulu au départ de son roman à elle. Elle s'en plaint quand même relativement souvent. Elle en reparle régulièrement dans les archives. Oui, ça, elle a toujours. Elle n'a jamais pardonné ses refus. Contrairement à Proust, d'ailleurs, qui n'avait pas la même ardeur à rappeler qu'il avait été sans cesse refusé. Mais c'était le cas aussi, pourtant. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jean-Yves Tadié, chaque jour dans la compagnie des auteurs, nous ouvrons la porte de ce studio à nos amis de la presse et des revues. Et je vous présente, si vous ne le connaissez déjà, Pierre Birnbaum, professeur émérite des universités et membre de la revue Critique, qui vient donc nous parler du numéro de cette revue actuellement en librairie. Bonjour Pierre Birnbaum. Bonjour. Un numéro consacré tout entier à Mona Ozouf et que vous avez coordonné. Avec Philippe Roger, nous avons conçu ce numéro de Critique comme un hommage à Mona Ozouf en tant qu'historienne, comme elle le dit elle-même, de l'intempestif dans l'histoire, de l'imprévu, du refus de tous les déterminismes, de l'autonomie des acteurs, du refus aussi, et c'est un thème important de nos jours, de l'identité. Et donc c'est une manière pour vous d'aborder les débats contemporains sur l'universalisme et aussi sur la République. Oui, à travers le quarto qui vient de lui être consacré chez Gallimard, comme également à travers ce numéro de Critique, on voit une historienne se dresser contre toutes les formes de déterminisme. L'un des plus intéressants est certainement l'exemple de la Révolution française. Et de manière incroyablement iconoclaste, elle se lève contre l'explication marxiste alors dominante et longtemps dominante. Et elle souhaite, par exemple, montrer à quel point le choix des acteurs relève de leur propre conscience, qu'on ne peut pas déterminer leurs actions simplement de leur position sociale. Elle veut aussi examiner les imprévus. Et c'est un point extrêmement intéressant de son œuvre, comme le retard de la fuite du roi à Varennes, auquel elle consacre un livre merveilleux, un vrai polar, pourrait-on dire. Elle veut réhabiliter les Girondins, et pour la même raison, car ils sont soucieux de compromis, de liberté des acteurs. comme le montre dans ce numéro de critique Antoine Debecq dans un très bel article. En particulier, elle souligne à quel point le personnage de Madame Roland est un être tout à fait qui doit être redécouvert. Pour elle, on peut dire les êtres humains doivent se désaffilier. Le terme est intéressant du point de vue de la sociologie, construire eux-mêmes leur propre vie. Et elle insiste beaucoup ici sur les femmes. Le féminisme de Mona Ozouf s'en prend aussi bien, et pardonnez-moi l'expression, mais c'est la sienne, aux gloseries de Pierre Bourdieu qui, dit-elle, aurait fait rire sa grand-mère, qu'aux théories du genre. Et ses études des femmes romancières vont dans ce sens, tout comme celles de l'œuvre de Henry James ou encore de George Eliot, dont elle nous donne ici, dans ce numéro, un premier texte tout à fait remarquable. Lynn Hunt, dans ce numéro critique, en souligne admirablement ce travail qui porte donc sur le choix des femmes. Et puis il y a l'école aussi, Pierre Birnbaum, toujours important chez Mona Ozouf. Quel est le rôle de l'école dans cet apprentissage de la liberté, au fond ? Alors, comme le montrent également plusieurs articles de ce numéro, l'apport de Mona Ozouf avec son époux, Jacques Ozouf, est considérable. L'école méritocratique, en dépit de ses limitations, est pour elle une chance donnée à tous les citoyens. Et là, on voit bien l'opposition à des thèses dominantes de Pierre Bourdieu, contre les thèses dominantes de Pierre Bourdieu. Une chance dominante donnée à tous les citoyens de construire leur propre vie, de se libérer, pourrait-on dire, des entraves sociales. Le rôle des hussards noirs, sur lesquels elle a beaucoup travaillé, des instituteurs de la République, dont on s'éloigne malheureusement, pourrait-on dire, est essentiel. Donc l'école républicaine, c'est ce qui libère des identités, c'est ça Pierre ? Dans le beau livre de Mona Ozouf, qui est assez récent et qui lui vaut une gloire tout à fait méritée, dont le titre est « Composition française », qui renvoie évidemment à l'école, et sur lequel reviennent plusieurs des auteurs de critiques de ce numéro, Mona Ozouf analyse le heurt entre la foi chrétienne de la nation, la foi bretonne de la maison et la foi de l'école, de la raison républicaine. Son hymne à la République repose sur la conciliation entre ces fois. De ce point de vue, elle ne craint pas de nos jours de faire de Jules Ferry son héros, ce qui est proprement courageux. Comme le montre Jean-Claude Bonnet dans ce numéro de critique, on peut pour elle être fidèle à la Bretagne, à ses valeurs, à ses rituels, à sa langue sur laquelle elle insiste, tout en adhérant à la République, en étant partie prenante de la nation. Et donc on peut se poser la question du voile dans ce contexte-là. Ça n'est pas un aspect important de son travail, mais c'est épisodique, mais néanmoins c'est intéressant. Mona Ozouf hésite, et comme le lui reproche Soudir Azarezing dans ce numéro, qui se fait ici le porte-parole d'une interprétation anglo-saxonne hostile à l'exceptionnalisme français. Elle hésite car elle défend les valeurs de chaque citoyen, elle entend défendre aussi une conception de l'espace public, fait de fraternité, de dialogue entre les citoyens, qui négocient dans leur fort intérieur seulement, et j'insiste, leurs différents attachements. Merci beaucoup Pierre Birnbaum, et donc je renvoie nos auditeurs à la revue critique actuellement disponible. La compagnie des auteurs se laisse aller à ses tropismes jusqu'à jeudi. Nous parlons de Nathalie Sarraute, Jean-Yves Tadié est mon invité pour cette émission introductive. Les tropismes, justement, Nathalie Sarraute en parlait à la Radio Française en juillet 1959. C'est le premier ouvrage que j'ai écrit. Et vous l'avez écrit en 1933 ? Je l'ai commencé en 1933. Et puis je l'ai laissé, je n'y ai plus travaillé, je l'ai repris, enfin j'ai terminé en 1937, et à ce moment-là, je l'ai présenté à des éditeurs, personne n'en voulait. Et finalement, il a paru chez De Noël en 1939, juste avant la guerre. Juste avant la guerre, alors la guerre est venue la couper peut-être son élan, non ? Bon, tout à fait, je n'ai eu absolument aucun écho, sauf deux lettres, une lettre de Max Jacob et une lettre de Sartre. Mais pas le moindre article, absolument rien. Alors, tropisme, évidemment, c'est un mot sur lequel... on a beaucoup épilogué, vous vous êtes expliqué dessus, je crois que c'est un terme assez clair, mais peut-être la meilleure chose, pour plus de clarté, c'est tout simplement de reprendre la définition du Pilarus. Oui, exactement. C'est un accroissement ou une progression d'un organisme dans une direction donnée sous l'influence d'une excitation extérieure. Et moi, j'ai voulu appeler tropisme des mouvements à peine conscients qui sont provoqués par les autres. Ce sont des mouvements comme ceux des plantes qui sont attirés par la chaleur, la lumière, l'eau. Exécutés presque à l'insu, presque de ceux chez qui ils se produisent. En tout cas, en dehors, la plupart du temps, de leur volonté. Voilà, Jean-Yves Tadier, avec Tropisme, on a le sentiment qu'elle a déjà trouvé tout ce qui allait être sa recherche littéraire. D'ailleurs, elle le dit, mon premier livre contenait en germe tout ce que, dans mes ouvrages suivants, je n'ai cessé de développer. Les tropismes ont continué à être la substance vivante de tous mes livres. Dans le langage, se trouvent en effet deux éléments. Il y a les mots eux-mêmes qui nous attirent, nous repoussent, ou que nous attirons ou repoussons. Et puis, il y a la relation entre les êtres. Et c'est tout de même un des points essentiels de l'œuvre de Nathalie Sarraute, bien qu'elle n'ait plus de personnage véritable ou qu'elle ne construise plus de personnage, que de sentir ses attractions et ses répulsions à l'égard d'autrui. Donc on pourrait dire que le grand sujet de son œuvre après le langage, c'est l'intersubjectivité, c'est la relation entre les êtres. Mais est-ce que ça n'est pas intimement lié justement dans son œuvre? Est-ce qu'on peut séparer l'un de l'autre? Bien sûr, il n'y a pas de langage sans autre, bien sûr. S'il y avait un seul être sur la Terre, il ne parlerait pas. Donc, il y a cela, et ça va si profond qu'en fait, ce que d'habitude décrivent tous les romanciers, c'est-à-dire l'amour, est à peu près absent de son œuvre, sauf sous la forme, d'ailleurs très brillante, du mot amour dans l'usage de la parole et qui refait surface aussi à la fin de sa vie, à la fin de son œuvre. Mais l'amour n'est plus qu'un mot qu'on va commenter. Il n'y a pas de roman d'amour ni de pièce amoureuse chez Nathalie. Et elle se situe encore plus profond au niveau de l'attraction et de la répulsion, qui sont après tout aussi une des vérités de l'amour. Alors, Tropisme, c'est 24 textes brefs, textes poétiques, est-ce qu'on oui, emploie ce mot-là? Ce sont des textes poétiques, mais aussi avec un aspect comique. Ils ne sont pas tous pareils, ils n'ont pas tous le même ton, ils n'ont pas tous exactement la même longueur. Il y a les textes un peu pathétiques, un peu tristes, comme « Elles attendent », ces jeunes filles qui, dans un dancing, attendent qu'on vienne les inviter. Il y a un texte extrêmement comique, qui est l'audition d'un cours au Collège de France d'un illustre professeur qui parle de Proust et de Baudelaire en disant que finalement il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout s'explique grâce à leur vie, ils sont pareils aux autres. Elle visait là d'ailleurs un psychiatre très connu qui s'est cru à tort rival de Freud qui s'appelait Janet. Et il y a donc différents tons, mais néanmoins on peut affirmer que comme chez Baudelaire où il y a aussi différents tons, c'est un recueil de poèmes en prose, d'où sa brièveté. Du reste, la brièveté va caractériser son œuvre jusqu'à la fin. Elle n'a jamais écrit de gros livres et la plupart de ses livres comportent presque autant de blancs que de textes imprimés. Il y a tel livre qui comporte 70 pages de blanc. C'est un peu comme Debussy. Il y a les notes et du silence autour. Vous aimez comparer d'ailleurs Debussy, Verne, Proust, qui sont vos auteurs de prédilection, à Nathalie Sarraute. Est-ce qu'il y a un fil entre tous ces personnages-là? Je n'ose dire qu'il y a moi, mais il y a en tout cas ce goût que j'ai pour eux, je peux retrouver. Verne, c'est l'exploration. Elle, chez Nathalie, c'est l'exploration des profondeurs. C'est le sous-marin, c'est le Nautilus. Debussy, c'est la musique des mots, c'est la musique du silence aussi. Et ce qu'on sent très bien dans ces blancs de l'œuvre Nathalie, à la fois des phrases qui s'interrompent, des points de suspension et on passe à la ligne, premier blanc, et puis entre ces textes même, comme ça ne suffisait pas, parfois une page de blanc. On le voit moins dans l'édition de la Pléiade qui tâche les caractères, mais dans l'édition originale, c'est très apparent. Et puis Proust, alors là, ça c'était son grand problème finalement. Comment faire pour être différente de Proust? Alors, c'était la référence première. Oui, alors, plus que Woolf, par exemple. Elle aimait beaucoup Virginia Woolf aussi. Et oui, c'était aussi un de ses problèmes d'être différente de Virginia Woolf. Elle la vit très élue. Elle n'aimait pas beaucoup. Elle ne parlait pas beaucoup de Virginia Woolf. Elle parlait volontiers de Proust et elle vous faisait même découvrir certaines pages de Proust que vous aviez oubliées. Que je me rappelle le jour où elle m'a remontré ces admirables pages de Sodome et Gomorre sur l'oubli du nom propre, dont elle allait tirer elle-même des pages entières d'un de ses derniers livres. Ici, je crois, et elle lisait en disant il n'y a rien de plus beau que cela. Alors, son grand problème, c'était comment exister après Proust. Il n'y a pas qu'elle qui ait eu ce problème-là, bien sûr. On peut dire que toute la littérature a eu ce problème. Certains l'ont résolu très facilement avec une inconscience totale. D'autres se sont tus parce que ce n'était pas possible d'écrire après Proust. Et elle a trouvé sa voie. Elle a même critiqué Proust dans L'ère du soupçon, qui réunit ses quatre grandes études critiques. Elle explique que pour Proust, Proust est tourné vers le passé et qu'il crée tout de même des personnages un peu à l'ancienne, encore un peu balzacien, un peu figé. Elle fait mourir les personnages. Il n'y a plus dans l'œuvre d'Nathalie Sarraud, peu à peu, de personnages. Et on peut dire qu'on comprend bien l'évolution de son art si on le compare à la peinture. On est passé de la peinture représentative concrète, réaliste, à la peinture abstraite, informelle, qu'il s'agisse de l'école française après la guerre, ou bien de peindre comme Rothko, maintenant, aux États-Unis. Donc, elle, c'est ça. Elle, c'est la peinture abstraite, ou la peinture informelle, l'art non représentatif par rapport à ce qu'elle était avant elle. Michel Cournot parlait du génocide des personnages. J'aime pas beaucoup l'emploi du mot génocide ici, évidemment. Mais effectivement, elle leur règle leur compte. Est-ce que c'est le chef-d'œuvre pour vous, Tropisme, de Nathalie Sarraud, Jean-Yves Tadier? Non. Non, j'hésiterais entre Enfance et Tu ne t'aimes pas. J'aime beaucoup Tu ne t'aimes pas, qui est un qu'on connaît moins, peut-être vous pouvez nous en dire un. Qu'on connaît moins et qui est d'une grande profondeur, parce que il faut dire qu'elle n'aimait pas la psychanalyse. Elle n'aimait pas Freud et elle écrit de Freud des condamnations qu'on peut trouver tout à fait sommaires. Ah, pourtant, demain, on parle de Sarraud et la psychanalyse. Oui, moi, je considère que Freud est un génie, évidemment. Mais elle, pas. Et je me rappelle qu'un jour, je la taquinais à ce sujet. À la fin de sa vie, elle parlait de ses malaises, de son angoisse. Et je lui disais en plaisantant, Nathalie, vous devriez vous faire psychanalyser. Je savais très bien qu'à 100 ans, on ne se fait pas psychanalyser. Mais elle qui adorait rire, pour une fois, elle a pris très au sérieux et elle a ajouté, mais vous n'y pensez pas, je sais plus sur moi-même que n'importe quel psychanalyste et que Freud lui-même. Précisément parce qu'elle l'a écrit tout ça, justement. Oui, absolument. Donc, tu ne t'aimes pas, c'est ce grand problème du narcissisme que traite Freud et que traite beaucoup le livre de psychanalyse. Il y a finalement deux catégories d'êtres, ceux qui s'aiment et ceux qui ne s'aiment pas. Et elle en fait un très beau livre avec des passages à clé. Il y a un portrait de Marguerite Duras dans Les gens qui s'aiment, par exemple, qui est tout à fait hilarant. Et vous considérez même que par les problèmes fondamentaux qu'elle pose dans ce livre, elle se hisse au niveau de Montaigne, Pascal et Proust, justement. Oui, il faut dire aussi qu'elle terminera d'ailleurs. Finalement, les dernières pages de sa vie sont consacrées aux commentaires d'une phrase de Pascal, à la contemplation de la voûte céleste et à la phrase « Le silence de ces espaces infinis m'effraie ». Et elle revient à Pascal et elle ne pouvait pas ne pas admirer chez Pascal la densité du style. Vous savez, c'est comme Joubert disait mon drame, c'est que je veux mettre un roman dans une page dans une phrase et une phrase dans un mot. Nathalie, c'était tout à fait ça. C'était aussi ça, c'est pour ça que c'est si bref. Et c'est ce qui est aussi la belle densité de chacune des pages de Nathalie Sarraute. Je voudrais qu'on termine, Jean-Yves Tadier, par l'évocation tout de même du nouveau roman. Comment parler de Nathalie Sarraute sans évoquer ce moment qui arrive au milieu des années 50, une forme romanesque qui, comme l'avait dit Sartre, s'attaque à la forme bourgeoise du roman. Est-ce que, pour vous, elle est vraiment à l'origine de cette attaque de la forme bourgeoise du roman? On ne peut faire d'histoire que des groupes. Il n'y a pas d'histoire d'un individu. Donc, un historien de la littérature est forcé de chercher des groupes. C'est pour ça que les écoles sont si commodes. Et comme la littérature française nous en a fourni beaucoup, on est tout content de trouver les classiques, les romantiques, les réalistes. Voilà, c'est une école qui s'est faite elle-même, quand même. Et alors là, nous arrivons à un moment, les années 50, où une autre école a fait son temps. Les Français sont des gens qui se lassent vite de tout, des gens, des choses et des livres. Et donc là, c'est la fin du roman existentialiste, du roman d'action aussi, du roman engagé. C'est la fin de Malraux, de Camus, de Sartre. Il se passe quelque chose là et apparaissent un certain nombre de jeunes écrivains qui ont en commun la mise au premier plan, non plus du fond, du message, de la philosophie et du combat politique, mais le souci de la forme, de la technique. Et c'est le cas de gens qui s'appellent Robrier, Butor, Claude Lier, René Pinget, Robert Pinget et Nathalie Sarraute aussi, qui sont réunis à la fois par un éditeur, puisque Tropisme est paru aux éditions Nuit, un éditeur de génie, qui est Jérôme Lindon, et par le mot d'un critique littéraire membre de l'Académie française, Émile Henriot, qui a le premier parlé le nouveau roman. C'est comme les impressionnistes qui étaient un dénigrement, n'est-ce pas, dans l'appellation. Là, c'est la même chose. Parlons de nouveau roman, Émile Henriot ne trouve pas ça bien. Mais il se trouve que le mot est resté. Et donc, ils ont en commun cette désir de révolution formelle. Vous dites que c'est des jeunes, mais Nathalie Sarraute, elle n'est déjà plus tellement jeune, finalement. Non, elle n'est plus tellement jeune. Ils sont jeunes d'esprit. Comme disait Bachar, je crois, dans le domaine de l'imagination, on est jeune très tard. Et bien donc, c'était leur cas à tous. Oui, mais c'est pas la même génération, parce que dedans, il y en a qui sont très jeunes. Il y a Rob Grillet, Claude Ollier, Michel Butor est né en 26, il a 26 ans de moins. Oui, c'est vrai, oui, absolument. Donc c'est pas très uni quand même tout ça. Non, mais elle ne leur sera jamais unie. Elle coexistera avec eux dans des voyages organisés à l'étranger, ou dans des colloques, ou le très volontiers. Et je crois qu'elle s'entend en gros bien avec eux, quitte à ironiser en privé sur telle ou telle, et quitte à ne pas être follement admirative de tel ou tel livre de ses confrères, mais elle s'entend bien avec eux, et elle utilise ce mouvement, qui est assez commode aux historiens, aux organisateurs de colloques, à Cerisy ou ailleurs, mais en même temps, elle en est extrêmement différente. Et en même temps... Parce que ses recherches, d'abord, ne sont pas purement formelles, il faut bien le dire, la forme dans sa quête est secondaire. Son problème, c'est comment rendre compte de ces mots qui nous troublent. Mais tous ont le sentiment d'une responsabilité qui est une responsabilité esthétique, Jean-Yves Tadier, et oui, qui excède même le domaine du roman. Alors, beaucoup font leur livre manifeste. Robrier recueillera les études sous le titre pour un nouveau roman. Elle, c'est le très bel essai « L'ère du soupçon ». Où elle recueille 4 articles très marquants et qui contribuent dans les années 50 à la faire connaître, plus autant au moins que ses fictions, qui sont alors peu nombreuses. C'est un livre très important encore maintenant, et c'est le livre où elle montre que Dostoïevski, Kafka, par exemple, ou Proust, si importants qu'ils soient, si beaux, doivent maintenant être en quelque sorte refaits, déplacés. Améliorer. Et est-ce que le nouveau roman, Jean-Yves Tadier, aujourd'hui a vécu et a même peut-être anesthésié une partie, en effrayant peut-être un certain nombre de romanciers, une partie de la littérature française? Je ne dirais pas. Sa tradition continue, notamment aux éditions de Minuit, qui restent très attachées aux recherches formelles et qu'on voit. Mais l'histoire est revenue. C'est quand même, on va quand même beaucoup moins loin que à l'époque des nouveaux romans. Oui, mais faut-il que Proust a montré que c'était une illusion de croire qu'il fallait toujours aller plus loin en littérature. C'est bien ce qu'ils font là, quand même, avec le nouveau roman, aller plus loin que Proust. C'est ça. Oui, mais en fait, c'est pas aller plus loin, c'est aller autrement. C'est à aucun moment ils ne vont plus loin que Proust, qui les englobe de toute façon, à mes yeux au moins. Donc aujourd'hui, c'est toujours Minuit qui est l'héritier, selon vous, oui, alors qu'elle-même n'était pas éditée c'est par C'est l'héritier non pas tellement de Nathalie Sarrouch, mais de qui n'a pas... Vous savez, les grands écrivains meurent sans héritier. Il n'y a pas d'héritier de Mallarmé, il n'y a pas d'héritier de Proust, il n'y a pas d'héritier de Nathalie Sarrouch non plus. Ils n'en ont pas. Donc, la tradition se poursuit, les recherches formelles se poursuivent. À notre époque, ce n'est pas le trait marquant de notre littérature d'aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Yves Tadier. Je vous propose de terminer cette émission, comme chaque jour, par un peu de poésie avec Jacques Bonnafé. Bonjour. Avec le poète Jacques Reda, on entre dans la matière, car il écrit « La physique amusante » que nous citerons. Par des extraits de sa lettre sur l'univers, on peut entendre ce défi d'explorer la science par la contrainte du poème. Lettre sur l'univers est adressée à Laurent Gaspard. « Mon vieux, plus on descend profond dans la matière, moins on s'y reconnaît. Il naît de particules entières qui ne se subdivisent et dont le fin scalpel de la physique ne parvienne à faire un archipel explosant et flottant dans le torrent des ondes. Les moindres grains d'atomes eux-mêmes sont des mondes qui gravitent à toute allure et pour finir, on nage dans un océan où présent, avenir, passé, haut, bas, lointain, proche, géant, infime, échangent leur nature et dépourvu de sens ultime semblent, bien que soumis à quelques strictes lois, se perdre dans un labyrinthe informe et sans paroi. Tout, cependant, nous a-t-on dit, provient d'un souffle originel qui se dilate et qui, s'il se boursoufle en de certains endroits, à d'autres s'aplatit et s'attaque en tous sens au néant qui l'anéantit. Non, à partir d'un point qui marquerait le centre, mais partout simultanément, tel l'écho dans un antre, et partout à la fois ainsi répercuté, nous évacue en même temps du centre et du côté, au passage demandons-nous ce qui se passe avant l'événement soudain, et ce qu'est cet espace où l'univers trouvait un champ pour galoper, puis ce qui précéda l'instant qui le vit s'échapper. Petite pause, de la lune et du vin, dans le même ouvrage « La lettre sur l'univers ». L'existence, il est vrai, nous demeure un entier mystère, et pour peu que l'on soit nanti d'un faible caractère et que l'imaginaire ait sur nous beaucoup de pouvoir, on va sans cesse d'un extrême à l'autre sans savoir à quoi bien s'en tenir sur les causes qui nous animent, et si chacun n'est pas plutôt un passant anonyme qu'une âme unique mais coupable et que l'on obséda d'images de ciel et d'enfer, le Tao, le Bouddha m'attire, tout ce qui dans la sagesse orientale semble offrir à notre aventure un chemin plus étal qui nous éloigne doucement des mirages d'ici. Soyons amis, lune, ombre, un temps encore. Citation de Lippo. Mon vieux, quelle aventure incroyable la nôtre. Être là depuis quand, embarqué, on pleure, on se vautre encore dans la nuit des instincts primordiaux. On se croirait un autocar de touristes idiots, bouffant, braillant, riant aux arrêts où l'on pisse, et sans rien avoir vu, fonçant vers quelques précipices. Ne bougeons plus, réfléchissons, mais se fixer n'est qu'une illusion de plus, on demeure expulsé. La pente nous avale aussi bien immobile et conduit au même niveau les forts et les débiles. Rabaisse les fronts bas comme les orgueilleux, plus vive leur clarté, plus d'ombre envahira nos yeux. Peut-être devons-nous accepter le mystère d'être ici passagers du bolide nommé la Terre qui, loyale, poursuit son manège, voulu, transitoire, dans un désordre énorme d'absolu, et devant ce qui va sans retard nous dissoudre, murmurer simplement « Seigneur des vents et de la foudre cosmique, des superamas et des protons, faites que tout soit accompli. » Entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Jacques Bonafé, comme chaque jour dans la compagnie des auteurs, il lit cette semaine des textes de l'écrivain et poète Jacques Reda. Merci à vous Jean-Yves Tadié pour ce parcours introductif à notre semaine Nathalie Sarraute. Je signale la parution en novembre prochain d'une édition de Lettres choisies d'André Malraux chez Gallimard pour laquelle vous signez une préface, ainsi que la parution récente ce mois-ci exactement de votre édition de La femme de 30 ans de Balzac en folio, toujours chez Gallimard. À la console aujourd'hui, il y avait Jacques Hubert. Cette émission, comme chaque jour, était réalisée par Laurence Millet. La préparation, Corinne Amard, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Eva Le Sceau.